TK Les aliens nous envahissent, il y a des robots partout, les plaques tectoniques glissent, et il y a quelques soucoupes. Mais grâce à un moment casquette rouge, qui ni Mario, ni Red, ni Quote, ni Boo, OK voudrait faire la guerre à toute l'espèce humaine. Personne ne sait pourquoi, mais faut pas qu'il montre son coin. Mais grâce à un moment casquette rouge, qui ni Mario, ni Red, ni Quote, ni Boo, n'est-ce pas la Jeff et Boo sont venus sur la Wii U dans un RPG vieux bizarre vert et pas vraiment trop mou. Il faut 20 gigas, c'est Porky et c'est tout. Earthbound Mother 2. Saturne, Valley et Poolside, et le désert et le marais, et même les Runaway Five. Mais grâce à un moment casquette rouge, qui est ni Mario, ni Red, ni Quote, ni Boo, n'est-ce pas la Jeff et Boo sont venus sur la Wii U dans un RPG en anglais où je pige rien du tout. Il faut 20 gigas, c'est Poké et c'est tout. Earthbound Mother 2. N'est-ce pas la Jeff et Boo? Faut finir les esbrouffes, vaincre des tasses de café, des zombies, des pépés, des New Age rétro hippies, et puis des flaques de vomi. Et enfin, gigas, c'est Poké et c'est tout. Earthbound Mother 2.